édition de janvier 2013. Bonne année! Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Nous avons, ce mois-ci également, une émission tout en segments. Nous débutons avec la rubrique humoristique d'Aristide Filiatro. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'avenir présentent La crémation. Deux bons hommes de 80 ans bien sonnés suivent la dépouille mortelle d'un autre vieux camarade qui leur avait demandé avant de mourir d'assister à l'opération de l'incinération. Comme ils avaient le respect des dernières volontés de leur ami, ils assistaient impassibles à la cérémonie. Depuis plus de 3 heures déjà, le mort cuisait dans son jus et les deux vieux étaient fatigués. Tout à coup, l'un des deux dit à l'autre « Dis donc, Hyacinthe !» « Sais-tu que ça prend du temps? »« Je l'admets. Mais rappelle-toi bien ceci. Notre ami Honoré a toujours été, tout le temps de sa vie, un dur à cuire. » Audiocité, c'est une famille. Une très grande famille. Avec des lectrices. Avec des lecteurs. Avec des auditrices. Avec des auditeurs. Ainsi que des auteurs de la francophonie. Rejoignez notre famille. Audiocité.net. Ah, je constate que Jean-Seb, notre talentueux nouveau chroniqueur, nous attend sur le terrain. À toi, Jean-Seb. Ben, je te remercie beaucoup, Christian, pour ta chaleureuse introduction. Vous êtes très gentil, merci. Alors, ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Alors, Christian, comme tu peux l'entendre, je me trouve actuellement dans le hall d'entrée des fichiers audio sur la toile. Je vais choisir une porte, un peu au hasard. Je vois ici une inscription sur cette porte peinte en vert. C'est écrit « Netophonix » avec un logo assez descriptif représentant deux haut-parleurs qui envoient un signal à un N central. Je rentre donc. On sent tout de suite l'atmosphère forum. Bien classé et ordonné. Ah, c'est agréable à l'œil. Ah oui. Tiens, je me renseigne pour la section nouveautés. Oui, bonjour. Je les ai consultés des nouveautés. Veuillez vous inscrire au registre, s'il vous plaît. Ah, bon. Voilà les nouveautés de Netophonix. Merci. Bonne visite. Et bonne journée à vous aussi. Bon, je me suis trouvé un petit endroit tranquille pour regarder ça. Écoutez, c'est fantastique. Il se trouve en moyenne une nouveauté par jour ici. Bien sûr, la fin de semaine, c'est plus actif, mais tout de même. Alors, pour cette première chronique, j'ai remonté depuis la mi-octobre à la mi-décembre. Pour simplifier la chose, j'ai trié les sagas par nom de la personne qui a posté l'épisode. Alors, c'est parti, je vous défile la liste rapidement. Je vous fais quelques commentaires en cours de route sur ceux que j'ai trouvés, un petit peu d'informations sur ceux que j'ai écoutés. Pour commencer, j'ai Adelta avec President Evil. Aravan nous présente RDMC épisode 19, Les traces d'un passé, partie 2. Artrikion, Affabulation, épisode 7, In Your Flesh. Affabulation, c'est l'histoire de Moineau, un jeune enfant pauvre qui subit une chose effroyable qui change définitivement sa pauvre vie. On a aussi de Artechion In Crystal Monctus, épisode 2, Q-Lay. L'histoire, c'est de Evan, un lycéen tout à fait banal, mais un jour, il découvre un livre étrange. Il fut directement inspiré dans un monde féerique. Pour pouvoir revenir dans son monde, il va devoir faire la connaissance du gardien du cristal. J'ai beaucoup aimé. C'est très bon. J'attends les prochains épisodes avec fébrilité. Alsag, Doug Nikkei 2, The End of All Hope, Again. Bohort, très productif, nous soumet L'ombre des Loas, épisode 7, Erzuli, épisode 8, Le Grand Bois, et l'épisode 9, Trouble et Colère. Bohort fait aussi d'autres productions que j'ai trouvées très bien. J'ai été visiter leur site web, c'est excellent. L'histoire se passe dans un Haïti du 19e siècle, où un duo improbable est confronté au légendaire culte vaudou. Donc deux personnages principaux, Baron Samedi et Samuel. Une guerre se met en place, une guerre entre les Loas et l'esprit vaudou. C'est un monde de duels magiques, où est-ce qu'on voyage entre d'autres mondes, où est-ce qu'il y a des batailles de créatures surnaturelles. On a Tladal qui nous soumet des monos. Et si certaines fins étaient différentes? Et si le rire tuait? Et si Peter Parker était allergique aux araignées? On a aussi la bande-annonce de Max Payne, la bande-annonce de Resident Space, ainsi que la bande-annonce de Captain Obvious. Destrocorn nous soumet du point de vue des méchants, Agent Smith, et un mono de Madame Grull. Je ne les ai pas écoutés. D.L. Ditness, Teok Circus, épisode 3 et épisode 4. C'est une saga délirante, humoristique, crue mais pas trop désagréable, ça coule quand même bien. Ça se passe dans un monde cyberpunk et fantastique, tout en restant sur les bases d'un monde d'époque actuelle et réaliste. La magie et les monstres en plus. Cette saga, ça passe dans le monde du forum roleplay de Dial, Teok Aria. Il n'est pas nécessaire de connaître le forum ni l'histoire pour comprendre la saga. Encore heureux. Même si connaître l'univers aide à comprendre des facettes cachées dans les scénarios. Aussi, il réutilise des grands classiques des sagas MP3 pour les parodier. Délire, fun et fou rire au rendez-vous. Bienvenue dans Teok Circus. Dr. Wolf. Projet H, épisode 3, My Name is Kiss, French Kiss. Dwarf, avec Univers en travaux, épisode 2. Malheureusement, j'ai écouté rapidement en ligne, mais j'ai pas été capable de télécharger cette saga depuis SoundCloud. On a Flo, avec l'épisode 1 de Timoria Trauma. SDA, les chroniques de Grippa, épisode 3 et 4. Ça me semble une excellente série. Yann, chronique d'Adoufix de Bawick. Last Word nous envoie Folie Fantastique, épisode 1, le début de la fin. L'écrivain du jour, deuxième décade, épisode 1, version 2, et on est rendu à l'épisode 6. Lionel B, T-Lol, de Mashing Cap, épisode 9. Mace, avec Credo d'Assassin, épisode 3. Majero, Phobos, épisode 1. Avant la tempête. Matsama, Soul Religion, épisode 10, 11 et 12, et une reprise 2.0 de l'épisode 3. Mimi Ryudo, des cassettes et des hommes, j'ai pas encore écouté, mais ça va venir. Nekaos nous a soumis Gladnork, je sais pas si je le prononce bien, épisode 17. Nico, la légende de Xantac, épisode 4. Traxel, Dernière Fantasy, épisode 19, Nom d'un Mog, Pen of Chaos, super, Naeulbleuk Glark, Les Quêtes Secondaires. C'est une saga humoristique sur les jeux vidéo. J'ai bien ri en écoutant cette série, un peu cru à l'occasion, mais ma fille de 10 ans a très bien apprécié la série. Et oui, je propage aussi le bonheur à la maison. Cette série roule depuis longtemps déjà. Mais sur leur site, une fois qu'on a trouvé le bon endroit, c'est très facile de récupérer l'ensemble des œuvres, et il y a plusieurs hors-séries de la saga. Quarkup, les chroniques de l'intemporel. Raoulito, Red Universe, tome 1, chapitre 9, épisode 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Écoutez, c'est superbement bien fait. Mais j'y comprends rien. Faudrait reprendre la série depuis le début, mais ça fait tout de même beaucoup d'épisodes à écouter. Il sort environ un épisode par semaine. Ça roule à une vitesse phénoménale. C'est une vraie machine. Pas de temps à perdre avec eux. Dans les prochains jours, je vais essayer de revenir sur cette saga, parce que c'est très bien fait, mais beaucoup d'épisodes. Riku nous envoie Gensio Reva, épisode 5, 6, 7. Écoute, Christian, c'est fantastique. C'est ma découverte de Netophonix. J'ai communiqué avec Riku. On devrait essayer de faire un petit quelque chose pour le mois prochain. Pour la prochaine édition du podcast des Éditions de l'Avenir, on va essayer de se faire un petit montage pour vous donner un avant-goût de ce qu'est cette série. C'est réalisé par Filtre d'amour. Sur leur site, on peut voir qu'ils n'en sont pas à la première saga. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme de 21 ans qui se réveille après un an de coma suite à une fusillade pour laquelle il a reçu une balle. C'est très bien décrit. L'homme est très zen. Depuis, le monde a bien changé et il faudra l'accepter. Écoute, le montage est extraordinaire. Il y a des bibittes qu'on n'a jamais vues. Ça roule 100 000 à l'heure. C'est un peu à la Matrix, je te dirais. C'est un univers totalement déjanté. J'ai vraiment adoré. Donc, je vous reviens le mois prochain avec un petit quelque chose avec Riku, parce que je veux vraiment leur donner la sellette le mois prochain. Solo, Billard, le chevalier aux 100 peurs, épisode 1, version 2. Silver Cherry, les magiciens de Neosia, épisode 7. Tipo, Détective Hyde, épisode 3, 4, 5, 6. C'est une excellente série. J'ai toujours hâte d'avoir la suite. C'est très court comme épisode. Je vous avertis, ça dure quelques minutes. Il est à noter que les musiques pour cette saga ont été spécialement créées pour Détective Hyde. Eightpo nous a aussi soumis Pirate à la carabine épisode 5. C'est une série épique. J'ai trouvé les voix un petit peu difficiles à entendre. Je sais pas si c'est mon fichier qui était corrompu. Mais dans mes écouteurs, la musique avait beaucoup trop de basses, les voix distorsionnent. Écoutez, je vais vous faire des essais, je reviens avec peut-être plus de détails sur Pirate à la carabine. V-Man nous a soumis Pac-Man Red Journey épisode 4. J'ai écouté, j'ai pas apprécié, c'est beaucoup trop vulgaire pour moi. Et comme dernier, Yann qui nous a soumis School of chapitre 5 partie 1 et 2. Alors, c'est ce qui complète actuellement ma chronique pour laquelle je me suis concentré surtout sur les épisodes de chez Netophonix. Netophonix. Très facile à trouver. Le forum est très bien monté. J'ai adoré. Je vous reviens le mois prochain avec plus de développement du côté de Gensio Reva. Et on se revoit le mois prochain pour une nouvelle chronique. Alors, je redonne la parole à Christian. À vous, les studios. Merci, Jean-Sep. Et bonne année. Des livres à lire et à entendre est une association qui a pour objet de faciliter l'accès de tous, et en particulier des non-voyants et malvoyants, aux joies de la littérature. Son principal outil d'action est son site internet qui a deux fonctions. 1. Fédérer une communauté d'internautes bénévoles qui enregistrent leurs propres lectures afin de constituer un vaste catalogue de livres audio gratuits. 2. Recenser tous les autres livres audio disponible gratuitement sur Internet. Si ce projet vous intéresse, rendez-vous sur www.littératureaudio.com. Dans le numéro 50 de mai 2012 de Basis, André Bory nous présente Mazas Pavel. Voici ce qu'il écrit. Mazas Pavel est né un jour de septembre 1984 lorsque Éric Sanvoisin, un copain qui publiait une revue de science-fiction du nom de Morgoth, me demanda d'écrire une nouvelle susceptible d'être prolongée en roman. À l'époque, nous avions déjà écrit un roman à quatre mains, prolongement de l'une de mes nouvelles que nous avions présentée au Fleuve Noir. Patrick Seri, le directeur de collection, l'avait accepté. Mais nous n'eûmes pas le temps de nous en réjouir. Seri quitta le Fleuve pour créer sa propre collection, qui ne connut qu'une dizaine de titres, et fut remplacé par une directrice qui trouva notre œuvre trop manifeste et la refusa. La nouvelle mettant Mazas en scène, Un juste retour, eut son petit succès d'estime, ce qui nous incita à la transformer en roman. Pendant quelques chapitres, j'ai continué à la faire tomber de Charib dans Scylla, puis Éric, qui avait décroché un contrat avec une maison d'édition de livres pour enfants, m'abandonna lâchement.

Nous terminerons avec la première partie d'une entrevue réalisée avec Gabriel Jean, l'homme derrière Pépère, Mac et l'annonceur dans le PC Show avec Paul Courtemèche. Bonjour Gabriel. Bonjour Christian. Comme tu le constateras, nous allons nous débarrasser tout de suite des questions indiscrètes. Quelle est ta situation matrimoniale? Tu as des enfants? Oh, la grosse question en partant, hein? Je t'avais prévenu, hein? Alors oui, je suis marié, effectivement, depuis 2002. Donc, j'ai célébré cette année le 10e anniversaire de mon mariage avec mon épouse. On a 3 enfants ensemble. Donc, j'ai un fils de 8 ans qui se prénomme Jason. Son nom vient des livres de Star Wars que ma femme et moi aimons bien. Donc, il s'appelle J-A-C-E-N. Ensuite, on a une fille de 4 ans qui s'appelle Kaylee. Son nom est, enfin, on l'écrit K-A-E-L-I-E, parce que l'idée, c'est justement qu'il soit prononçable en anglais et en français, puis qu'il sonne sensiblement comme étant le même nom. Donc, il n'y a pas trop de chance de le maganer, peu importe dans quelle langue on le dit. De son côté, l'inspiration vient d'un jeu vidéo qui s'appelle Final Fantasy Mystic Quest. C'est un chapitre plus obscur de la série Final Fantasy qui date de l'époque du Super Nintendo. Mais je sais pas pourquoi, le nom de ce personnage secondaire-là m'avait marqué. Puis c'est ça, quand j'en ai parlé à mon épouse, elle m'a dit que c'était un excellent nom, donc on est allé avec celui-là. Puis l'an dernier, on a eu notre 3e bébé qui s'appelle maintenant Miranda. C'est une autre petite fille. Oh, mais félicitations! L'inspiration du nom Miranda, c'est simplement un nom qu'on aimait bien tous les deux, puis ça a donné par après qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un lien avec Star Trek, c'est-à-dire il y a des vaisseaux dans Star Trek qui sont de classe Miranda, entre autres le reliant du 2e film avec William Shatner et je crois Ricardo Montalbane. Donc voilà, le nom de Miranda peut être relié à ça. Ça donne aussi que c'est le nom d'une de mes amies. Que j'ai connu il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, c'est un nom que je trouvais qui était beau. Puis, mon épouse a été d'accord pour qu'on le prenne. Autre question plutôt indiscrète. Tu travailles dans quel domaine? Je travaille dans le domaine de la structure d'acier pour la compagnie ADF Group, au Dragon Forgé, originellement. Je travaille dans ce domaine-là depuis un total de 10 ans, sauf que je l'ai fait en 2 parties. Il y avait une mise à pied chez ADF en 2004, donc j'avais fait partie des employés qui ont quitté jusqu'à 2008. Donc j'ai été 4 ans dans le domaine du recouvrement pour la compagnie de livres Grolier, compagnie qui a fermé ses portes il y a, je pense, 1 an ou 2. Donc c'est ça, mis à part cette pause de 4 ans-là, je travaille au Dragon Forgé depuis un total de 10 ans. ADF, ben c'est de la structure d'acier, donc on parle des poutres, des colonnes, des cornières, des plaques, n'importe quelle sorte de matériaux de construction pour les édifices de structures complexes. On parle dans ce cas-là des ponts. On vient de terminer, entre autres, la méga structure du World Trade Center, la tour 1. Ah oui? Wow! L'antenne de cette tour-là a fait le tour des médias un petit peu, mais bon, ce qui est un petit peu moins connu, c'est qu'on a fait pas mal toute la... En tout cas, une grande partie de la bâtisse en tant que telle, ainsi que le... Ils appellent ça le hub en dessous, qui se trouve à être une énorme station de métro, finalement, dont le point focus est le World Trade Center. Donc ça a été un projet. On a travaillé pratiquement 4 ans là-dessus. Ouf. Présentement, on travaille sur des ponts au Canada. Il y en a un au Nouveau-Brunswick qu'on a réalisé il y a quelques temps avec Structure GB. Puis il y a un autre projet qui s'appelle le pont Saint-Patrick en Alberta, je crois. Je suis pas trop certain. Ah non, excuse-moi, en Alberta, c'est une usine probablement là de raffinement de pétrole. Le client s'appelle Syncrude, je sais plus trop c'est quoi, là, mais en tout cas, c'est une usine de raffinement de produits pétrochimiques. Donc, c'est ça. On fait surtout de la structure complexe. C'était un marché qui était très visé sur les États-Unis. Sauf que, bon, depuis la présidence Obama, bien, c'est difficile d'avoir des contrats aux États-Unis parce qu'ils acceptent beaucoup moins de travail venant de l'extérieur. Donc, on se concentre sur les structures au Canada. Point de vue structure au Canada, bien, c'est surtout des ponts qu'on fait, des ponts ferroviaires, des ponts qui doivent bouger à cause qu'ils sont sur des voies maritimes, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est mon expérience de travail. En tant que tel, là-bas, moi, je suis un programmeur FAO. Donc, je vérifie les données qui sont envoyées par les salles de dessin pour fabriquer le matériel qu'on doit mettre en production. Donc, je m'occupe des machines-outils d'un certain point de vue, là. Toutes les chaînes de production automatisées qu'on a, bien, je dois m'assurer que le programme est fonctionnel pour la production de pièces qu'on a besoin de faire. Puis, c'est ça, dans le fond, j'ai un aspect de soutien technique aussi maintenant qui s'est greffé à tout ça avec les nouveaux équipements qu'on a. Je fais de la rédaction de documents aussi, à titre de formation, puis d'information surtout. C'est du stock, ça? Donc, c'est pas mal ça, mes tâches. C'est un travail que j'aime bien. Ça fait des années que je fais ça, donc je suis relativement confortable dedans aussi. C'est certain que quand il y a l'occasion de faire des choses nouvelles dans ce domaine-là, c'est toujours intéressant, mais le train-train quotidien me fait bien aussi. C'est pas un travail dans lequel je m'ennuie. Ah, ben tant mieux. Mais avec tout ça, as-tu le temps d'avoir des loisirs? Et si oui, comment les occupes-tu? Oui, point de vue loisirs, bien, j'en ai quand même quelques-uns. je dirais celui qui demande le moins de mon attention, c'est je suis collectionneur de figurines Transformers. J'ai une préférence pour les figurines des années 80. Puis, bon, ces personnages-là qui sont de mon enfance, dans le fond, ont de nos jours des figurines modernes qui sont faites, alors je les collectionne aussi. Dans les dernières années, j'ai vraiment ralenti mon rythme de collection, c'est-à-dire je me contente soit des cadeaux qu'on me fait ou vraiment, si j'en achète une, c'est parce qu'il faut absolument que j'aie cette figurine-là, un personnage que j'adore. Entre autres, c'est facile, chaque fois qu'il y a une nouvelle figurine du personnage nommé Jazz, c'est certain que je vais tenter de l'avoir d'une manière ou d'une autre. Point de vue collection, c'est pas mal ça qui m'occupe. Je collectionne les jouets vintage de cette série-là parce que c'est surtout dans le but de refaire la collection que j'avais quand j'étais petit. J'ai beaucoup de ces jouets-là qui ont disparu au fil des ans. Ils ont été jetés, ils ont été brisés, il y a des amis qui sont partis avec, bon. Donc, c'est ça, je reconstruis cette pièce-là de mon enfance tranquillement. Il me reste un jouet à réacquérir. Après ça, je vais avoir la totalité de ce que j'avais étant petit, plus quelques extras, bien entendu. C'est ça. Ensuite, une fois que j'aurai ça, ben, ça sera complété, les accessoires, les choses comme ça. Je suis content d'un certain point de vue parce que je me suis rendu compte récemment que la collection que j'ai est évaluée à 3 000 $. Donc, wow. C'est quand même intéressant. Je veux dire, je sens de moins en moins que j'ai perdu mon temps avec ça. Non, de toute façon, je l'aurais fait parce qu'on s'entend que ça me rappelle mon enfance. C'est quelque chose qui est resté depuis que je suis tout petit. Puis j'ai toujours aimé ça, donc... C'est le meilleur moyen de garder cette partie-là de mon enfance, collectionner les jouets qui ont rapport avec ça. C'est certain que je collectionne d'autres choses aussi. On ne cachera pas, je suis un amateur de jeux vidéo, donc j'ai quand même des figurines de jeux vidéo. Entre autres, tous les héros de Final Fantasy VIII. Bon, mon épouse collectionne surtout les figurines de Star Wars, mais j'admets que j'ai laissé un item de ce côté-là déborder de mon côté. J'ai une figurine de la princesse Leia dans son bikini du Retour du Jedi. En tout cas, c'est une préférence personnelle. J'en ai aussi quelques autres. J'ai un Luke Skywalker, bien entendu, C-3PO, R2-D2. Toutes ces figurines-là sont autour de moi dans la pièce où je travaille généralement à la maison. La chose que j'aime le plus avec mes hobbies, c'est que justement, ils sont tous reliés un dans l'autre. Donc, le deuxième hobby que j'ai, c'est que, vu que je collectionne les jouets Transformers, ben souvent, je fais des figurines personnalisées de Transformers. Puis, justement, pour arriver à ces fins-là, ben j'utilise un autre de mes hobbies, qui est la modélisation 3D. Donc, la modélisation 3D me permet de faire des pièces, puis des nouvelles composantes pour des jouets existants, comme des têtes différentes, des armes différentes, qui font que finalement, une figurine achetée en magasin devient une figurine que la compagnie qui produit les Transformers, Hasbro, produira probablement jamais. Soit que c'est un personnage trop obscur pour que la génération moderne soit au courant, ou carrément, c'est que c'est un personnage qui a déjà été réexploré, puis bon, la figurine qu'eux ont faite n'était pas à mon goût, donc j'ai décidé de faire ma propre version à partir d'une autre figurine. C'est un hobby qui est quand même assez répandu sur Internet. Il y a énormément de customizers qu'on appelle. Donc, maintenant, avec l'accès à l'impression 3D, ben c'est plus facile pour nous, justement, de faire nos propres pièces. Il nous reste qu'à les peinturer, puis tout ça. De ce côté-là, ça dévie un petit peu aussi du fait que j'ai déjà fait beaucoup de modèles à coller, étant plus jeune. J'en ai gardé 3. ma Batmobile de 1989, mon Enterprise D, puis mon USS Voyager, parce que c'est Voyager, j'ai vraiment pris le temps de le peinturer en totalité, puis c'est mon plus beau. J'en ai encore quelques-uns que ça doit faire une vingtaine d'années que je les ai jamais terminés, mais un jour j'y viendrai, là, j'ai Deep Space Nine, puis je pense que j'ai une étoile noire aussi de Star Wars, là. En tout cas, donc c'est ça, ce hobby-là, en fait, pour ce qui est des figurines personnalisées, ben, il va m'amener aussi au fait que, bon, je fais beaucoup de modélisation 3D. J'ai l'intention, justement, de faire un épisode absent d'une des séries de Transformers, qui était en 3D, justement. Donc, avec deux autres personnes, on a recréé tous les personnages de cette série-là. On est en train de recréer les divers endroits qu'on va avoir besoin, comme les scènes intérieures, les scènes extérieures, les endroits où il va y avoir des séquences d'action, selon le scénario de l'épisode manquant, dans le fond, à cette série-là qu'on a l'intention de créer. On prévoit terminer pour l'année 2016. Ça va être le 20e anniversaire de cette série-là, donc... C'est ça. De ce côté-là, j'utilise beaucoup des aptitudes que j'ai justement en 3D, puis dans mon travail, en fait, parce que je dois quand même connaître la modélisation 3D dans mon emploi. Donc, ça me permet d'utiliser un autre aspect que j'utilise moins au travail, mais qui fait partie de la formation que j'ai reçue. Ensuite, ben, ce hobby-là, bien entendu, il y a un aspect de sonorisation, donc il permet aussi de se relier facilement à mon dernier hobby, qui se trouve à être le doublage amateur, le fan-dub. Qui est la raison pour laquelle on s'est connus. En tout cas, on s'est connus justement parce que tu cherchais quelqu'un qui était capable d'interpréter la voix d'un robot, et puis je pense que ça tombait en plein dans mes cordes. Ah oui, en effet, ça aurait été difficile pour moi de trouver quelqu'un de mieux. Hein. Donc voilà, c'est pas mal tous les hobbies que j'ai. Point de vue fan-dub, c'est certain que je passe beaucoup plus de temps sur ce hobby-là parce que je produis mes propres épisodes basés sur des épisodes existants du Japon. Encore une fois, dans la série Transformers. Puis c'est ça, donc j'écris, je monte la musique, je monte l'audio. Puis je m'occupe du montage vocal de tous les épisodes. Donc ça prend quand même beaucoup de mon temps. Je comprends. C'est titanesque comme boulot, ça. Mais heureusement, c'est quelque chose que j'apprécie, puis qui me permet aussi de continuer une passion que j'avais puis qui me permet aussi de vivre une passion que j'ai depuis l'adolescence, c'est-à-dire, en fait, je m'étais enligné pour devenir un acteur dans ma carrière professionnelle, mais c'est pas ça que j'ai fait. Donc, j'utilise ce que j'ai appris au cégep, dans le fond, dans ce hobby-là. Donc, c'est un moyen comme un autre de récupérer des aptitudes qui me sont pas utiles ailleurs. Puis, c'est pas mal ça. Mes hobbies comblent les besoins que j'ai de ce côté-là. Oui, je comprends. Et voilà pour cette troisième émission de la nouvelle série. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes nos productions à l'avenir-audio.canalblog.com. Une fois encore, en mon nom personnel et au nom de tous ceux et celles impliqués dans les productions des éditions de l'avenir, recevez nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu'elle soit le plus possible nourrie de paix et de sérénité. Soyez prudents et rendez-vous en février prochain. Merci de votre attention. À bientôt.